nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un prétendant qui invite sa promise à venir voir l'un de ses jours pour la divertir, la dissection d'une femme, sur quoi il doit raisonner. Le divertissement sera agréable, à coup sûr. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Il faut dire que le prétendant, un niais, veut devenir le gendre d'un grand malade ou soi-disant tel. Et il veut lui éviter de prendre froid, un manteau fourré, un bonnet pour les oreilles. Chacun sait que rien n'enrhume plus que prendre l'air par les oreilles. Grand malade, mais heureusement, insinuatif, préparatif, rémoliant, détersif, carminatif, les clistères sont là et enrichissent M. Florent et M. Purgon. Heureusement, il y a Toinette. Bref, voici Le Malade Imaginaire, proposé par la Société des Comédiens Français le 22 décembre 1974 sur France Culture. L'ORTF et la Comédie Française vous invitent à écouter Le Malade Imaginaire. En préface à cette émission, Les Stances à Molière de Boileau par Jean Piat, sociétaire honoraire. En vain, mille jaloux esprits, Molière, osent avec mépris censurer ton plus bel ouvrage. Sa charmante naïveté s'en va pour jamais, d'âge en âge, divertir la postérité. Que tu ris agréablement, que tu badines savamment. Celui qui sut vaincre Numance, qui mit Carthage sous sa loi, jadis, sous le nom de Terence, sut-il mieux badiner que toi? Ta muse, avec utilité, dit plaisamment la vérité. Chacun profite à ton école, tout en est beau, tout en est bon, et ta plus burlesque parole est souvent un docte sermon. Laisse gronder tes envieux, ils ont beau crier en tout lieu qu'en vain tu charmes le vulgaire, que tes vers n'ont rien de plaisant. Si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant. Après Les Stances à Molière de Boileau, voici Le Malade Imaginaire, d'après la mise en scène de Jean-Laurent Cochet. Musique de Michel Magne, réalisation Jacques Régnier. Voici qui lancera la distribution. Messieurs Jacques Charon, Argan, malade imaginaire, Jacques Ezer, Monsieur Diafoirus, médecin, Jacques Toja, Bérald, frère d'Argan, François Beaulieu, Monsieur Purgon, médecin d'Argan, Alain Feydeau, Monsieur Bonnefoy, notaire, Marcel Tristany, le récitant, Jean-Paul Moulineau, Monsieur Fleurant, apothicaire, Jean-Noël Sissia, Cléante, amant d'Angélique, Philippe Rondest, Thomas Diafoirus, et Mademoiselle Françoise Seigné, Toinette la servante, Bérangère Dautin, Béline, seconde femme d'Argan, Catherine Salvia, Angélique, fille d'Argan, Emmanuel Millou, Louison, fille d'Argan et sœur d'Angélique. Thank you.

Voici une aventure, si vous voulez, à vous défaire des médecins. Ou si vous êtes né à ne pouvoir vous en passer, il vous est aisé d'en avoir un autre avec lequel, mon frère, vous puissiez courir un peu moins de risques. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Oh, et quel médecin? Un médecin de la médecine. Bon, je te demande qui il est. Je connais pas. Mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si j'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que ce serait quelque petit frère qu'elle m'aurait donné. Depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte et un autre se présente. Alors, j'ai bien peur que vous ne soyez cause de quelque malheur. Encore? Vous en revenez toujours là? Ah, ben voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies-là que je ne connais pas. C'est... Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis fort obligé. Oh, par ma foi, voilà Toinette elle-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Oui? Ne diriez-vous pas que c'est effectivement Toinette? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Ah, pour moi, j'en suis surpris. Que demandez-vous, monsieur? Comment? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi, non. Oh, il faut donc que les oreilles m'écorment. Mais demeure un peu ici pour voir comme ce médecin te ressemble. Oui, vraiment, j'ai affaire là-bas et j'ai assez vu. Ah, si je ne les voyais tous deux, je croirais que Snick... Mais j'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Ah, pour moi, j'aurais été trompé à celle-là. J'aurais juré que c'est la même personne. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. C'est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous donc que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. Ah! J'en ai 90. Oh, 90? Ah, oui. Vous voyez en effet les secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Oh, oh. Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvres, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance. De bonnes fièvres, continues, avec des transports au cerveau. De bonnes fièvres, pourprées. De bonnes pestes, de bonnes idées pisiformées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Oh. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré à l'agonie, pour vous prouver l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. À Londres, que l'on batte comme il faut. Hop ! Je vous ferai bien aller comme vous devez. Ce poule a fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point inscrit sur mes tablettes entre les grands médecins. Ah. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Ben oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Ah ben justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Non, le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre. Ah, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez?

Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudier. Vous êtes assez savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Mais il faut savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il y faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Et vous serez après plus habile que vous ne voudrez. Quoi, dans ces discourir sur les maladies, quand on a cet habit-là? Oui, l'on n'a qu'à parler. Avec une robe et un bonnet, toute galimatia devient savant, toute sottise devient raison. Demandabo tibi, docte baccheliere, quae remedia eticis, pulmonicis atque asthmaticis trovas, a propos facere. Clisterion donare, postea segnare, ensuita purgare. Bene, bene. Quae centromedia, quae in maladia dit hydropisia, convenit facere? Clisterium donare, postea segnare, ensuita purgare. Maladia opiniatria non volte se garire, quid illi facere? Resegnare, repurgare, reclisterisare. Grandes doctores doctrine de la rhubarbe et du séné. Ce serait sans doute à moi chosa folla, inepta et ridicula. Si j'alloibam m'engageare, vobis louangea se donare. Et entreprenoibam adjoutare, des lumieras au soleilio et des étoilas au cielo, des ondas à l'océano et des rosas au printano. Agréate, qu'avec uno moto prototo remerciemento, rendam gratiam corpori tam docto. Honor, favor et gratia, qui in hoc corde, et que voilà, imprimante ressentimenta, qui dureront in secula. Juras gardare statuta per facultatem prescripta cum sensu et jugamento. Juro. Essere in omnibus consultationibus ancieni aviso, aut bono, aut moveso. Juro. De non jamais te servire de remedis aucunis, quam de ceux seulement docte facultatis. Maladus dut-il crevare, et mori de suo malo? Juro. Ego. Comisto boneto venerabili et docto. Dono tibi et concedo, virtutem et puissantiam, medicandi, purgandi, saignandi, persandi, taillandi, coupandi et occidandi, impune per totam terram. Thank you. venez d'entendre « Le malade imaginaire » d'après la mise en scène de Jean-Laurent Cochet. Musique de Michel Magne. Les interprètes étaient messieurs Jacques Charon, Argan, Jacques Hézère, monsieur Diafoirus, Jacques Toja, Bérald, François Beaulieu, monsieur Purgon, Alain Feydeau, monsieur Bonnefoy, Marcel Tristany, le récitant, Jean-Paul Moulineau, monsieur Fleurant, Jean-Noël Sissia, Cléante, Philippe Rondeste, Thomas Diafoirus, et mesdemoiselles Françoise Seigné, Toinette, Bérangère Dautin, Béline, Catherine Salvia, Angélique, Emmanuel Millou, Louison. Pour conclure cette émission, nous vous invitons à écouter maintenant La dernière journée de Molière par Grimaret. Ce texte a été enregistré au cours d'une des soirées littéraires de Madame Dussane par Maurice Escande. Le jour que l'on devait donner la troisième représentation du malade imaginaire, Molière se trouva tourmenté de sa fluxion beaucoup plus qu'à l'ordinaire, ce qui l'engagea de faire appeler sa femme, à qui il dit, en présence de Baron, « Tant que ma vie a été mêlée également de douleur et de plaisir, je me suis cru heureux. Mais aujourd'hui que je suis accablé de peine, sans pouvoir compter sur aucun moment de satisfaction et de douceur, je vois bien qu'il me faut quitter la partie. Je ne puis plus tenir contre les douleurs et les déplaisirs qui ne me donnent pas un instant de relâche. Mais, ajouta-t-il en réfléchissant, qu'un homme souffre avant que de mourir. Cependant, je sens bien que je finis. » La Molière et Baron furent vivement touchés du discours de M. de Molière, auquel ils ne s'attendaient pas, quelqu'un commodé qu'il fût. Ils le conjurèrent, les larmes aux yeux, de ne point jouer ce jour-là et de prendre du repos pour se remettre. « Comment voulez-vous que je fasse ?» leur dit-il. « Il y a 50 pauvres ouvriers qui n'ont que leur journée pour vivre. Que feront-ils si l'on ne joue pas ? Je me reprocherais d'avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, le pouvant faire absolument. » Mais il envoya chercher les comédiens, à qui il dit que, se sentant plus incommodé que de coutume, il ne jouerait point ce jour-là s'il n'était prêt à 4 heures précises pour jouer la comédie. « Sans cela, leur dit-il, je ne puis m'y trouver et vous pourrez rendre l'argent. » Les comédiens tinrent les lustres allumés et la toile levée précisément à 4 heures. Molière représenta avec beaucoup de difficulté et la moitié des spectateurs s'aperçurent qu'en prononçant « Jureau » dans la cérémonie du malade imaginaire, il lui prit une convulsion. Ayant remarqué lui-même que l'on s'en était aperçu, il se fit un effort et cacha par un ris forcé ce qui venait de lui arriver. Quand la pièce fut finie, il prit sa robe de chambre et fut dans la loge de Baron et il lui demanda ce que l'on disait de sa pièce. Monsieur le Baron lui répondit que ses ouvrages avaient toujours une heureuse réussite à les examiner de près et que plus on les représentait, plus on les goûtait. Mais, ajouta-t-il, vous me paraissez plus mal que tantôt. Cela est vrai, lui répondit Molière. J'ai un froid qui me tue. Baron, après lui avoir touché les mains qu'il trouva glacées, les lui mit dans son manchon pour les réchauffer. Il envoya chercher ses porteurs pour le porter promptement chez lui, et il ne quitta point sa chaise de peur qu'il ne lui arrivât quelque accident du palais royal dans la rue de Richelieu où il logeait. Quand il fut dans sa chambre, Baron voulut lui faire prendre du bouillon, dont la Molière avait toujours provision pour elle, car on ne pouvait avoir plus le soin de sa personne qu'elle en avait. « Et non, dit-il, les bouillons de ma femme sont de vraies eaux fortes pour moi. Vous savez tous les ingrédients qu'elle y fait mettre. Donnez-moi plutôt un petit morceau de fromage de parmesan. » La forêt lui en apporta. Il en mangea avec un peu de pain et il se fit mettre au lit. Il n'y eut pas été un moment qu'il envoya demander à sa femme un oreiller rempli d'une drogue qu'elle lui avait promis pour dormir. « Tout ce qui n'entre point dans le corps, dit-il, je l'éprouve volontiers. Mais les remèdes qu'il faut prendre me font peur. » Il ne faut rien pour me faire perdre ce qui me reste de vie. Un instant après, il lui prit une toux extrêmement forte et, après avoir craché, il demanda de la lumière. Voici, dit-il, du changement. Baron, ayant vu le sang qu'il venait de rendre, s'écria avec frayeur. Ne vous épouvantez point, lui dit Molière. Vous m'en avez vu rendre bien davantage. Cependant, ajouta-t-il, allez dire à ma femme qu'elle monte. Il resta assisté de 2 sœurs religieuses, de celles qui viennent ordinairement à Paris quêter pendant le carême et auxquelles il donnait l'hospitalité. Elles lui donnèrent, à ce dernier moment de sa vie, tout le secours édifiant que l'on pouvait attendre de leur charité, et il leur fit paraître tous les sentiments d'un bon chrétien et toute la résignation qu'il devait à la volonté du Seigneur. Enfin, il rendit l'esprit entre les bras de ses deux bonnes sœurs. Le sang qui sortait par sa bouche, en abondance, l'étouffa. Ainsi, quand sa femme et Baron remontèrent, ils le trouvèrent mort. Venez d'entendre La dernière journée de Molière par Grimaret, lu par Maurice Escande. Chef opérateur du son, Raymond Anna. Collaboration technique, Mireille Gauthier. Bruitage, Joël Noël. Assistante de production, Catherine Lemire. Réalisation, Jacques Régnier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 décembre 1974. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.